main, la bouche pleine de chips, mais un C4 dans la poche. Soirée typique chez Rezuki. On chill et pépouse en slip de combat. Quand un view écrirait et ça ne plaisante pas. Le barbecue tourne, le loot est chaud. Mais la sulfateuse veut faire danser les dos. J'ai pris la roquette à la place du pastaga. Lancer l'apéro, puis boum sur leur baraque. Les viewers enchantent, font la vague. Pendant que le mur d'en face s'effondre sans blague. Apéro rail, la formule sacrée. Un toast, une balle, une base évaporée. Red kill screen, les viewers égales. Ça pète, ça hurle, ambiance royale. Apéro arrête, t'es venu trop tard. Le saucisson flotte, l'ennemi part. Soirée détente, pas vraiment. Bienvenue chez nous, on loot en chantant. J'ai mis un crâne en guise de tabasse. Et les corps en face, bah on les ramasse. Snap et trop long, on vise la peinture de gorgée. C'est notre sainte ceinture. Un view et trop un kit dans feu. C'est pas grave, ça joue au jeu. Un autre met la sono sur la table. Et les explosions font fils de chorale. Apéro rail, on trinque en tirant. Pas besoin de stratégie quand t'as du talent. La fumée danse, les murs tremblent. Mais la fête continue même quand ça s'effondre. Apéro rail, soirée bien rempli. Une main sur la bière, autre sur la vie. On farm et chill, maintenant on pile. Red skill mène le bal et ça scintille. Silence. Un dernier mur. Le frigo est mu. On va le piller. Apéro Rayon, Radisson, Arneux, en violence et saucisson. Pas du vieil, pas de retour, mais toujours un petit dos pour l'amour. Apéro Red, Reader Skill au front, avec ses viewers, son stream c'est con. On vole des bases, on fête l'instant. Bienvenue à Rue sur Mojito, franchement. Chill les frérots, on recommence demain.